Édouard III retourne en Angleterre. En France, Jean le Bon succède à son père en 1350. Cependant, la guerre continue. On se bat en Saintonge, en Bretagne. Édouard III conduit une nouvelle expédition en France. Partant de Bordeaux, Guyenne et Gascogne étaient alors des fiefs anglais. Son fils, le prince de Galles, le prince noir, se signale par ses chevauchées. En 1356, Jean le Bon rassemble son armée à Chartres, passe la Loire et rencontre le prince noir près de Poitiers.